Je circule sur une route hors agglomération à double sens. La limitation de vitesse à 50 km/h prend fin au niveau du panneau. Par temps sec, sur ce type de route, la vitesse est limitée à 90 km/h. Il s'agit du maximum. Donc, afin de ne pas prendre de risques, ou pour économiser du carburant, je peux aussi rouler moins vite. Réponse A et B.